Le Parasite de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Parasite à E. Dubail. Encore une poire véreuse. Vous avez des fruits au verger. Un petit ver vient s'y loger, s'établit là, court, rampe et creuse. Vous croyez être riche? Point. Cette année est bien malheureuse. On ne peut juger à quel point mes provisions sont réduites. Ces petits rongeurs parasites m'ont mangé tout mon fruit d'hiver. Voilà comment s'exprimait l'homme, l'homme à la poire, et voici comme à son tour s'exprime le ver. J'ai mon rôle, gardez le vôtre. Lequel de nous deux vole l'autre? Je demeure dans la maison où me confine la nature et je n'ai d'autre nourriture que les parois de ma prison. J'y vis solitaire et tranquille. Vous violez mon domicile sans seulement dire pourquoi. Ai-je été vous faire visite? Je ne puis sortir, c'est ma loi. Et vous m'appelez parasite quand vous venez dîner chez moi. Fin de Le Parasite, enregistré par Ulrike Denis.